Si comprendre m'en paye, comprendre c'est rien qui lit qu'a fait plan bas fait. Laissez ce que t'as lié a fini manger l'argent, chien qu'a dit moué. Mais putain, oui, passer ma paye. Au lieu ou assis, ce qu'on pourrait dire, j'ai CV ou en soirée. Fais-moi comprendre, nous c'est yéyé. Les noms toujours les prendre, nous pour des couillons, pas se comprendre. Nous qui arrêtons la maison. Pendant tant à la chaîne, puis Sophia Manon. Le genre de fille qu'on traitera de tous les noms. J'suis pas naïf, j'avais déjà compris ton vie s'intéresser par le genre de meuf que tu juges. Je vais pas rester à la maison pendant que tu me trompes. Je vais faire pire, je vais prendre ton pote. Serait celui qui te fait comprendre de me quitter. Il a compris, ça sert à rien de m'impressionner. Manque à 6 ans, l'amitié comprendre m'en paye. Comprendre c'est rien qui lit qu'a fait plan en bas fait. Laissez ce qui t'a lié, a fini manger l'argent, chien qu'a dit moué. Mais putain, oui, passer ma paye. Au lieu ou assis, ce qu'on pourrait dire, j'ai CV ou en soirée. Fais-moi comprendre, nous c'est yéyé. Les noms toujours les prendre, nous pour des couillons, pas se comprendre. Nous qui arrêter la maison. Tout c'est maintenant, il a dit faut quitter moi. Mais il pas qu'à j'en dit oui, attendez-y moi. Week-end rivé, c'est montre-moi ton coup de rein. Le frangin m'a dit que tu donnes ça très bien. Ne t'ai jamais dit d'arrêter de te vanter. Maintenant tes potes ne sont même plus gênés. Bébé, aurais-tu oublié de leur préciser que quand je m'assois dessus, tu commences à trembler. Une fois dessus, personne ne pourra m'arrêter. Dis-moi, babalé. Une fois dessus, personne ne pourra m'arrêter. Manque à 6 ans, l'émission comprendre m'en paye. Comprendre c'est rien qui lit qu'a fait plan en bas fait. Laissez ce que t'as lié, a fini manger l'argent, chien qu'a dit moué. Mais putain, oui, passer ma paye. Au lieu ou assis, ce qu'on pourrait dire, j'ai CV ou en soirée. Fais-moi comprendre, nous c'est yéyé. Les noms blancs toujours les prendre, nous pour des couillons, pas se comprendre. Nous qui arrêter la maison. La maison.